وجيء يومئذ بجهنم. Ce jour-là, la gêne sera amenée. Ce jour-là, alors, l'homme se souviendra. Mais à quoi pourrait bien lui servir de se souvenir? C'est trop tard. وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمْ. Jahannam sera amené, tiré par les anges qui ont été chargés de cette mission, d'amener Jahannam. Ils la tireront avec des chaînes. Et quand ces choses-là vont arriver, l'homme, à ce moment-là, va se souvenir de ce qu'il aura avancé, comme bien ou mal. Mais à quoi pourrait bien lui servir de se souvenir à ce moment-là? C'est trop tard. Le rappel est fini. Et il dira avec remords et tristesse à cause de sa négligence dans les ordres d'Allah. Il dira, Ya laytani qaddamtu li hayati. Il dira, si seulement j'avais prévu de faire le bien pour ma vie, c'est-à-dire dans l'autre monde, dans l'au-delà, s'il avait seulement fait le bien dans dunya pour trouver ce bien auprès d'Allah. Alors, Akhil Karim, Akhil Karima, vous avez cette possibilité maintenant. Ce souhait est exaucé pour vous. Il est exaucé. Alors saisissez l'occasion et ne la ratez pas. Ya laytani qaddamtu li hayati. Si seulement j'avais prévu de faire le bien pour ma vie dans l'autre monde. Comment ils traduisent 24 se rappellera, mais à quoi lui servira? Il dira, hélas, que n'ai-je fait du bien pour ma vie future? Yani, c'est à peu près la même chose. Si seulement j'avais fait du bien pour ma vie future. يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا لقد ضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. Ce verset est très très fort. Yani, je vous les lis. Yani, je vais lire plus que Cheikh Saadi rahimahullah a dit. وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ. En ce jour, l'injuste se mordra les doigts en disant, si seulement j'avais suivi la voie du messager. Malheur à moi, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Si seulement je n'avais pas pris un tel, ce mauvais ami qui t'invitait à faire le mal et qui t'invitait à faire les péchés. Et qui t'encourageait à faire le mal et qui te décourageait quand tu voulais faire un bien. Tu lui dis, on va faire salat fil masjid. Dis non, on va rester à jouer. On va faire un match de foot. On va regarder un match. Ou là, des choses comme ça. Il dira ce jour-là, si seulement je n'avais pas pris un tel pour ami. Pourquoi? Il dira, لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي. Il m'a fourvoyé en me détournant du rappel qui m'est parvenu. وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِلْإِنسَانِ خَذُولًا. Shaitan abandonne l'homme après l'avoir tenté. Shaitan, il t'abandonnera ce jour-là. Même il va se désavouer de l'être humain. Il dira, je l'ai seulement appelé à faire le mal, mais c'est lui qui a choisi de le faire.